le meilleur de la scène blues, se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Francis, nos invités de ce soir ont un nom qui fait plutôt penser au vrombissement d'un moteur V8. Mais tu m'as rassuré parce qu'il s'agit bien de blues, paraît-il. Oui, absolument, oui. Je te le confirme. Peut-être un peu rocailleux parfois, même si le blues donc est du genre aussi un peu rappeux. Pétaradant justement, parfois explosif. Tiens, imagine... Allez, imagine une Chevrolet Camaro 67, parce qu'ils adorent cette voiture, avec dedans, eh bien, allez, Hollingworth, John Campbell, Screaming Jay Hawkins et Tom Waits. Et on se rapprochera peut-être de Ron Stamp. L'histoire ne dit pas qui conduit la voiture, mais je veux bien être le chauffeur. Nous allons vérifier donc tout ça, cher professeur Ratto, parce qu'ils sont venus et avec même deux invités tout à l'heure, sans la Chevrolet, et ils sont sur la scène du Blues Café pour en découdre. Mesdames et messieurs, Ron Stamp. My leg was singing strong. Now my body trembled, and I know my time is long. Merci beaucoup. Merci, Blues Lion. Merci beaucoup. C'est leur première participation au Blues Café Live. Romp Stomp, on va demander à Phil de nous rejoindre. Il y a justement Phil au chant et à l'harmonica. J'allais présenter les musiciens. Il y a Chris Nug au guitare. Il y a Marc Dambrine à la basse. Et il y a Robin Dessalle à la batterie. Pour le moment. Phil. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est vrai qu'on a l'impression d'assister à la naissance d'un groupe et pourtant, vous êtes déjà de vieux briscards du blues, hein, si j'ai bien compris. D'où venez-vous et comment vous êtes rencontrés? On commence par là, alors. On commence souvent par le début. C'est ouais, ça, hein, souvent. Il y a tellement d'histoires, l'histoire est tellement longue. On s'est rencontrés, j'étais sur une fin de groupe de blues qui me satisfait plus. Et donc, il fallait que je me repose et que je prenne de la distance et que je recommence quelque chose de neuf. Et j'avoue qu'on est venu un peu me chercher, quoi. Et donc, me chercher naturellement. Et puis, tout s'est fait comme ça, mais en fait, c'est surprenant. Des fois, tu sais, tu cherches des... Et c'est arrivé, en fait, j'en suis pas encore revenu, quoi, en fait. Voilà. Hein? Sauf avec mon vieux compère, qui est Christian Neugle, avec qui on a fait beaucoup, beaucoup de scènes. Voilà. Mais pour la basse batterie, c'est venu très facilement. Voilà. Alors, on rappelle questions. Leur nom, hein, c'est Robin de Salle à la batterie et Marc Dombrine à la basse. Voilà. Voilà. Vous êtes de la région ? Alors, on est tous des émigrés régionaux. Attention, il y a des quotas. Voilà. Auvergne-Rhône-Alpes est une terre d'asile. Voilà. Mais quand ils arrivent de Lille, de Périgueux, d'endroits qui sont... Vous savez qu'il y a des régions blues en France qui sont très marquées. Je savais qu'il y avait une culture aussi pour ça. Donc, quand Romain m'a dit qu'il était de Lille, de Périgueux, je sentais que c'était... On s'était compris. Voilà. Hein. Parce que moi aussi, je ne suis pas un haut savoyard à la base. Hein. Je suis un... quelqu'un qui a passé sa vie dans l'aire urbaine, Peugeot, Sochaux, Montbéliard. J'ai appris le Johnny Winter avec des mecs qui faisaient les 3-8. On a commencé Peugeot. Cette émission en parlant de Cadillac et voilà. En fait c'était Peugeot. C'est ça. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je te dis ça. Hein. Bon, donc, le groupe en tout cas à peu près un an et demi d'existence. Vous travaillez sur un premier album en ce moment. Oui. On va en parler bien sûr. Hein. Mais la fusion entre vous, est-ce qu'elle s'est faite principalement autour d'un projet ou une histoire de goût, de relation aussi, comme tu l'as dit un peu. Je pense qu'il me trouve un peu bizarre. Quoi. Je ne l'aurais pas dit, mais... Il te trouve un peu bizarre. Ils m'ont laissé un peu faire et peu toi, les choses. Et toi, tu les trouves aussi bizarres. Ouais, ouais, quelque part. Bizarre de m'accepter. Après, c'est pas bizarre d'être bizarre, il faut juste être avec des gens qui le sont aussi. C'est ça, en fait. Dans la présentation, on a cité des noms. On a parlé de Howling Wolf, John Campbell, Tom Waits... est-ce que ce sont des influences ? Et si on devait encore un petit peu élargir pour définir un peu votre spectre musical, tu citerais qui ? Ben moi, je vais dire que, avant que de répondre à ta question, le truc, c'est que je me suis toujours posé une question, pourquoi j'aimais toujours ces mecs qui sortaient du voodoo ? Il y avait une explication que j'ai peut-être pas trouvée, mais qui s'est renforcée après, parce que j'ai eu un moment dans le blues, j'ai eu un moment ma coupure d'arrêt. Là. J'ai fait un petit arrêt et j'ai travaillé avec beaucoup de Congolais et des Maliens. Et ce qui m'a fait un retour sur ce que c'était que la trance, quoi. La trance musicale blues et qui existe chez les Afro-Américains. Et donc, en travaillant avec eux, je me suis dit, ben, en faisant un retour au blues, je me suis rendu compte que elle était drôlement importante. Et je me suis repenché sur Scrimmage Hawkins. Alors justement, on va y venir. C'est et pour on ça. Va y venir très vite. Puisque et je n'ai pas répondu à ta question. C'était parce sur que les influences. Voilà. Les influences, elles sont Junior Wells, Howlin' Wolf, ouais. Tous les gens qui tournent autour de la voodoo music, la voodoo blues. Alors justement, bah, tu le cites, on va en parler immédiatement, mais il y a un premier album en vue, il s'appellera Screaming Mercy. Voilà. Évidemment, c'est un hommage à Scrimmage Hawkins. Bien sûr, bien sûr. Donc vous avez interprété d'ailleurs en premier titre en ouverture de cette émission. Bien sûr. Ouais. Voilà. Bon, Screaming Jay Hawkins, alors tu vas nous expliquer pourquoi, bien sûr, mais bon, déjà dans le show, dans le spectacle, il te manque un Henri. Bien sûr. Le crâne Henri, déjà. Bien le sûr. Cercueil, parce que c'était aussi un spectacle, Screaming Jay Hawkins. Oui, voilà. Mais c'est ma chanteuse qui a tiré sur leur sort. Elle a tiré, et mon crâne est derrière dans les loges. Elle a tiré dessus. Je vous apporterai tout à l'heure. Ah, il fait sa vie, laisse-le pour l'instant. Voilà, bon, on va le laisser quand même tranquille, parce que tu sais, des fois... Alors, pourquoi cet hommage ? C'est un hommage, j'imagine, nommer un album Screaming Mercy. C'est parce que les Afro-Américains, on parle toujours d'eux, mais dans Afro-Américains, tu sais bien qu'il y a l'Afrique. Et l'Afrique est, pour moi, très important du point de vue culturel. L'Afrique est là, quand même, dans le blues. On peut pas l'oublier. Quoi. Dans Scrimmage Hawkins, quand on parle de lui, c'est quand même un Africain. Il est resté très Africain. Quoi. Mmh. C'est ce qui m'a intéressé de faire un retour par rapport à lui. Alors après, c'est pas évident de reprendre Screaming Jay Hawkins, parce qu'on sait que c'était à la fois un chanteur, il portait bien son nom, Screaming. Il avait un comportement corporel des fois un petit peu bizarre, des truculences vocales. Un peu osé. Comment on se met dans la peau d'un personnage comme ça ? C'est-à-dire que je me freine, en fait. Ouais. En fait, je me freine. Mais bon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être non plus lui. Mais je ne cherche pas à être lui. Tu passes ta vie dans le blues, dans les 25 ans de blues et tout ça, et tu te dis, en fait, il manque qui tu es. Et qui et pourquoi tu aimes toujours ça et ça et ça et ça. C'est-à-dire que je traîne toujours avec des Africains. Je suis dans la nuit, quand on a terminé d'enregistrer avec Rome Stomp. Il y a le studio qui est à côté. Qui s'appelle, on est chez Lolo Red Doctor, qui est un arrangeur pour les Congolais, pour un groupe qui s'appelle les Banin Locole Musica avec Jean-Marie Bancone Sega Banga. C'est des gens, chaque fois, je leur dis pas souvent, mais quand on a remballé le matériel, je me retrouve en studio directement à côté et chez les Africains qui me disent là, on a besoin d'harmonica. Et au Congo, l'harmonica, il y en a beaucoup, quoi. Et donc, ils adorent. Donc, je baigne, toi, dans ce milieu-là. Alors, justement, en ce moment, le premier morceau que vous avez joué, Brujo, ouais. Et de Screaming Joe King. Il y en aura un second, d'ailleurs. C'est Give It a Break. Voilà. Et comment as-tu ou comment avez-vous choisi ces deux titres-là, principalement ? Parce que tout le reste, ce sont des compositions. Parce qu'en fait, ouais, je suis un dictateur, moi. Un dictateur ça africain, se voit, quoi. C'est ça, j'ai l'allure. Hein. Élu avec 98% des voix, démocratiquement. Et au Congo, il y en a beaucoup. Ouais. Finalement, je vais finir par être dictateur avec eux aussi. Donc tu veux dire par là que c'est toi qui as décidé de te titre, point final. Bien sûr, ouais. Mais c'est un groupe hyper démocratique. Voilà. Moi, je fais après, vous me dites surtout ce qui ne va pas, quoi. Donc ça se passe à merveille. Quoi. Tu as choisi ces deux titres, mais pourquoi ces deux-là principalement ? Parce qu'il y a ça aurait pu être aussi Apollo Spell on You. Oui, mais j'en ai marre que les producteurs et les distributeurs de Zik, quand on va acheter un album de Screaming Joe Hawkins, il y a toujours Apollo Spell on You dedans. Quoi. Mais acheter Best of Session Bizarre de Screaming Joe Hawkins, et là vous aurez des morceaux qui sont plus intéressant et il n'y a pas forcément Apollo Spell on You dedans. Parce qu'à chaque fois, ils nous remettent celui-là. Oui, c'est le gros tube. Et il y a des kilos de trucs qu'il a fait, voilà, qui sont très intéressants. Session 1990-1994. Il y a un moment chez lui où il se passe des choses qui sont rhythm and blues. Il est dans tout ça. Quoi. Et j'ai rencontré aussi où j'ai vu son guitariste français sur scène. Franck H. Et justement, j'allais t'en parler. Très bien. Qui est quelqu'un d'extraordinaire. Salut Franck, je ne sais pas où tu es. Il est à Londres, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. J'attendais que tu me le dises, mais il est à Londres et c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Déjà sa voix. Hein. Et voilà, et c'est terrible. Et il a, chez lui, chez Franck, il y a ce côté un peu qu'on ne comprend pas tout ça. Alors on va faire une pause musicale, c'est le moment, et on va te libérer pour un petit moment, mais tu vas revenir parce qu'on a encore plein de choses à se dire, notamment sur Screaming Joe Hawkins, sur Ram Stomp et sur ce nouvel album. On va écouter un groupe qui s'appelle Francis. Oui, qui s'appelle One Mouth Mason. J'arrive jamais à le prononcer. C'est un trio canadien. Exactement. Du côté de Toronto, je crois, plutôt roots, très slidé. Alors la particularité du leader, c'est qu'il a des bottlenecks, des trucs à tous les doigts pratiquement, et il joue avec tous les doigts en slide sur le manche de sa guitare. Donc c'est un tout nouvel album. L'album s'appelle Stay for a Couple More. Hein. Ouais, Wide Mouth Mason. On les écoute et après on retrouve Ram Stomp dans le Blues Café Live. I'm alright, waiting here. Nous sommes bien en direct de Millennium, c'est à l'île d'Abo. Et sur scène, on retrouve le groupe Romp Stomp. Thank you. saxophone ce soir avec Rome Stomp, monsieur Sébastien Rivière. Merci beaucoup. We'll be right back. Le groupe Romp Stomp, ils sont nos invités ce soir dans le Blues Café Live. On va demander à Phil de nous rejoindre et puis également à Nini Soul si elle est dans les parages, puisque vous avez entendu cette belle voix féminine qui a fait son apparition sur un titre qui vient d'être joué. Et c'est le titre Sky is Bright, qui est une compo du groupe Romp Stomp. Nini Soul, bonsoir. Bonsoir. Nini Soul. C'est moi. Oui, je sais bien, c'est même Virginie en fait. Mais qu'est-ce que tu viens faire dans cette barque un peu... Je me suis fait avoir, hein, ce qui s'est passé. De Romp Stomp. Toi qui es, selon ton surnom, une chanteuse de soul surtout, non? C'est vrai, mais j'ai beaucoup d'influence et une identité bluesy également dans la voix. Puis voilà, je me sens beaucoup portée par cette musique, même si en effet la soul est plus mon cheval de bataille à la base. Puis j'ai aussi un petit peu de jazz en référence, etc. Donc disons que le mélange de tout ça me permet d'être ici aujourd'hui avec les Romp Stomp pour participer aujourd'hui et sur le prochain album, hein, si j'ai bien compris. Ah, absolument. Ouais, avec aussi, faut signaler aussi le saxophoniste Sébastien Rivière. Ouais, c'est ça. Habituellement, tu joues avec un groupe, ton groupe, c'est ça? Avec tu peux groupe, nous en dire ouais. Deux mots. Nini Soul, voilà, c'est une formation de 4 musiciens à la base, mais je joue aussi en solo. Après, on peut toujours enrichir, mais voilà, ma formation de base, elle est pour 4 musiciens, donc avec mon répertoire, avec un petit peu de reprises, mais surtout mes compos, et puis le projet avance pas mal, donc on va commencer à... Eh bien, à l'occasion, tu viendras avec ton propre groupe dans une émission du Blues Café. Hein. Ça veut dire aussi, et ça, on va demander à Phil, ça veut dire aussi que sur les dates que vous pourriez avoir, il y aura ses invités? Bien sûr. Il a une hésitation, mais bon. Non, il n'y a jamais d'hésitation entre gens que l'on considère, parce que Romp Stomp, c'est une grande famille et qui est facile à amener. Voilà. C'était en fait le but que j'avais de recommencer une histoire, mais qu'avec des gens qui étaient humainement... Que tu aimais. Voilà. Donc il fallait que ça soit simple. Autrement, c'était pas la peine que ça existe à nouveau. Quoi. Voilà. Pour moi, dans ma tête. Alors, le titre que vous avez fait s'appelle Sky is Bright. C'est une compo. Qu'est-ce qu'il évoque, ce titre? Alors, Sky is Bright, ça parle, tu sais, quand les gens ils prennent leur barque pour quitter leur pays et qu'ils arrivent plein d'espoir... et qui voient une belle plage et qui se disent qu'un pays peut les accueillir. Mais bien souvent, ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Quoi. Donc c'est une composition qui est tournée principalement par rapport à ce thème. Alors justement, sur ce titre, donc, il y avait Nini Soul, puis il y avait, je l'ai dit tout à l'heure, Sébastien Rivière, Seb. Bien Seb, sûr. Seb Rivière. Voilà. Alors, comment vous êtes connus tous les trois, en fait, Nini, Phil, Seb? Tu dis que sur des gens, tu aimes travailler avec les gens que tu aimes, avec qui il se passe quelque chose. Oui, mais c'est parce que je suis un mec de la nuit, toi, je voyage dans des endroits. Et puis j'ai découvert Nini Soul comme ça, qui chantait, puis je me disais, mais il y a quelque chose là. Est-ce que tu veux participer à un morceau avec moi? Et puis, ça se fait tranquillement comme ça, c'est compliqué, hein, bon, expliquer. Ça s'est fait tranquillement. Voilà. Bon, de toute façon, on vous retrouvera tous à la fin de cette émission, tous ensemble. Mais alors, le second morceau que tu as joué, c'est un morceau de Willie DeVille. Bien sûr. Ouais. What Trash Girl. Voilà. Pourquoi Willie DeVille, finalement, est toujours dans le sud là, hein? Parce que c'est une référence encore. Parce qu'il y a aussi ce côté latino. Et Willie DeVille. Est ambigu aussi, quelque part. Hein. C'est quelqu'un qui est ambigu dans le rock, le blues, tout ça. Et c'est parce que aussi, moi, je viens d'un univers aussi qui est rock aussi. J'ai beaucoup travaillé pour des gens du rock, des gens qui tournent autour de Little Bob. J'ai beaucoup travaillé en studio pour des gens comme ça. Donc, j'ai une empreinte rock aussi. Donc, c'est ce qui fait que Willie DeVille m'a toujours aussi intrigué, quelque part. C'est un sacré personnage, voilà. Bien sûr. C'est pour ça que tous ces gens m'intriguent, ils m'intéressent donc du coup. Voilà. Dans les gens qui t'intriguent, est-ce qu'on peut aussi parler de Bill Perry? Il y a un titre que tu fais en hommage à Bill Perry, lui, Your Smile. Là on est loin du vaudou quand même. Mais Bill Perry c'est une autre histoire, parce que c'est une histoire avec Christian Hogg, le guitariste qui est avec moi. C'est parce qu'il y a quelques années en arrière, on avait fait son ouverture à Bill Perry. Et donc, faut dire qu'il n'est plus de ce monde. Bien sûr. Quand on a joué à la Maison du Blues chez Monsieur Jacques Garcia, j'ai vu une affiche Clarksdale, Bill Perry. C'est quelqu'un qui nous avait accepté en première partie, qui était vraiment un homme extraordinaire. Et il est décédé, ça nous a beaucoup touché. Et donc, il était passé à Annecy, on a fait sa première partie. Et ça nous a peiné un peu, et donc on a voulu reprendre un morceau par rapport à lui. Alors, il faut dire que Bill Perry est associé à ce qu'on appelle un peu pompeusement le blues rock new-yorkais, New York City Blues, Popo Chubby et compagnie, Bill Perry. Donc on est quand même loin du vaudou. Oui, mais là c'est une histoire affective. Pour finir. Oui, pour finir. Et d'ailleurs, c'est le titre, je crois, que vous allez. Un titre que vous allez jouer aussi. On a noté ce Treat Me Right que vous allez jouer. Treat Her Right que vous allez jouer à la fin. Un standard de Roy Hudd qui a été repris par plein de gens de Springsteen à Sorogood. En passant par les Commitments et puis également Nine Below Zero. Voilà. Pourquoi également ce titre? C'est un titre qui a fédéré un peu tout le monde dans le groupe? Parce qu'on s'est dit que le Blues Live Café, c'est un endroit pour faire la fête. Ben oui, on est bien là pour ça. Voilà. Puis du coup, j'ai appris que c'était l'anniversaire de Francis Ratto il y a quelques jours. Alors, il fallait finir en beauté les six. Puis j'ai envie de parler un peu avec toi, là, avec Nini Sol. Alors, engager une petite discussion sur, tu sais, les problèmes de couple et tout ça. Comment ils font se comporter en couple et tout ça. Après votre vie privée ne nous regardant plus. Mais il fallait conclure un peu. Voilà. Et puis faire la fête en même temps. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un site internet pour Romstamp? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Il y a quelque où on peut Romstamp vous joindre sur Facebook. On a simplifié parce que les gens, ils vont tous sur Facebook et c'est plus simple pour nous. Quoi. Rappelons que cet album, pardon Cédric, rappelons que cet album donc, sort. En 2020, donc c'est très bientôt. Oui. Février-mars, c'est pas exactement. On va dire février-mars. Hein. Voilà. Et tous les titres, tous les titres qu'on entend ce soir figureront sur cet album. Alors il y a pas tous, il y a surtout Sky's Bright, In My Screen, le deuxième morceau. Et on va quand même ajouter, on va faire un hommage à Screamin' Joe Hawkins. Oui. Bruro, il sera dessus, voilà. Et il y a quelques autres titres qui sont, mais on va pas tout dévoiler maintenant, mais bon. Si, hein. C'est le moment de tout dévoiler. Voilà. Mais il y a des trucs qui... Les titres ne sont pas donnés forcément, mais... Mais ça va être ce concept-là. Voilà. Très bien, on a hâte d'écouter ça. En tout cas, on rappelle le nom de votre groupe. Rompstomp, l'album est à venir. Et on vous retrouve tout de suite sur la scène du Blues Café pour encore quelques titres. Et on l'a dit, on terminera avec un beau final. Merci Nini Saul. Merci à vous, merci. Sur scène ce soir au Millennium de l'île d'Abo, il y a Rompstomp avec Phil de Rest, Chris Neug, Marc Dambrine, Romain Dessalle. Et on remercie également Nini Saul et Seb Rivière qui étaient leurs invités. Rompstomp. Down beside me, I need to talk. Merci beaucoup. Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Merci à tous, c'était ce soir le Blues Café de Ramp Stomp. On remercie la ville de l'île d'Abo, on remercie également le Millennium, ainsi que toute l'équipe technique. Et on vous donne rendez-vous sur le www.bluesactu.com pour écouter nos émissions et également sur bluescaferadio.com. Vous pouvez également vous connecter sur notre chaîne YouTube où vous retrouverez les vidéos de notre ami François qui était à la captation de cette émission. On vous souhaite de passer une bonne soirée, à très bientôt, et on laisse la scène puisque visiblement il y a un titre festif avec ce Traitor Right à Romp Stomp. Hey, hey, hey! Believe it! rock to my middle, just as hard as you can. You're gonna get a reputation as a loving man, and you're blue girl even now, but you treated her wrong. Francis Rato, Cédric Vernet, le Blues Like Café, ils sont tous super sympas. Un accueil formidable, vous avez vraiment de la chance d'avoir cet endroit ici, parce que ici. Nini Sol, Sébastien Rivière, Robin de Salle à la batterie, monsieur Christian Neug, et le cuisinier, le chauffeur, le manager, c'est moi. Puis de reste, et à la basse, Marc Dambrine. Et on avait ce soir, pour nous assurer un show de folie, Phil Terrest, s'il vous plaît.